Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Dans un futur proche, une famine mondiale frappe la planète Terre et menace de faire disparaître l'espèce humaine. L'ancien pilote et ingénieur Cooper est devenu agriculteur pour subvenir aux besoins de son fils Tom et de sa fille Murphy quand la NASA lui propose de partir en mission dans l'espace afin de trouver une nouvelle planète pour sauver l'espèce humaine. Le film Interstellar de Christopher Nolan raconte en 2h49 son départ, son voyage dans l'espace et surtout dans le temps. Mais que signifie voyager dans le temps? Est-ce que le scénario du film, qui nous fait passer par des trous noirs et des trous de verre à bord du vaisseau baptisé Endurance, est scientifiquement convaincant ou délirant? Et qu'est-ce que la réponse à cette question change pour le film comme pour la communauté scientifique? L'astrophysicien Jean-Pierre Luminet est avec nous en studio ce matin pour voyager dans le film Interstellar à bord du vaisseau des chemins de la philosophie. Le temps, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de traiter dans mes films. C'est un sujet qui me fascine, la subjectivité du temps qui passe, son côté insaisissable. Nous avons tous conscience du temps qui passe, nous vivons avec, il nous emprisonne, il nous détermine, mais nous ne le comprenons pas, nous ne savons pas nous confronter à lui. Le temps qui passe, c'est la mort qui approche, en fait. C'est une dimension dont nous sommes surtout les prisonniers. Et c'est un sujet que j'ai abordé dans d'autres films, dans leur structure, dans leur thème. Mais là, c'est la première fois que je l'aborde frontalement dans l'histoire que je raconte. Et pour moi, le temps est complètement l'élément antagoniste du film. C'est l'adversaire de tous les personnages. Bonjour Jean-Pierre Luminet. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci de l'invitation. Vous êtes directeur de recherche CNRS entre l'Observatoire de Meudon et le Laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Le destin de l'univers, Trou noir et énergie sombre aux éditions Fayard, Illumination, Cosmos et esthétique aux éditions Odile Jacob. Et vous allez faire paraître, toujours aux éditions Odile Jacob, un livre au très beau titre, L'écume de l'espace-temps, qui n'est pas sans lien, je crois, avec le sujet de notre discussion ce matin. Première question, est-ce que vous avez vu, j'imagine oui, et aimé le film Interstellar de Christopher Nolan? Oui, alors... C'est un oui. Je l'ai vu. Restreint. Non, oui, je l'ai vu. C'est ça. Oui, je l'ai aimé, surtout en seconde vision. Moi, je vais raconter, peut-être un petit peu anecdotique, l'histoire, pourquoi je suis allé voir le film dont j'ignorais la préparation en 2014. C'est parce que un petit peu avant, au début de l'automne 2014, j'ai reçu un courrier électronique d'un de mes collègues astrophysiciens américains, qui est Kip Thorne. Kip Thorne, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est le conseiller scientifique du film Interstellar, ce que j'ignorais totalement. Et Kip Thorne m'écrit un mot gentil en me disant « Jean-Pierre, si tu vas au cinéma, si tu es au cinéma, qu'il y a un film qui va sortir, qui s'appelle Interstellar, sache que je suis le conseiller scientifique. On m'a demandé de donner des équations plausibles pour la plausibilité scientifique du film. Et surtout, il y a une représentation de trous noirs entourés d'un disque de gaz, qu'on appelle un disque d'accrétion. Et il me dit, je sais bien que c'est toi qui as fait le premier les calculs il y a 40 ans auparavant, et ne te fâche pas si tu lis dans la presse américaine que ce sont les plus belles simulations numériques qui ont été faites, alors que je sais bien que les tiennes, en fait, elles ont d'abord été antérieures, et puis surtout, il y a un effet que tu avais calculé, qui n'est pas dans le film, j'ai voulu le mettre, et quand je l'ai montré aux réalisateurs et aux producteurs, ils n'en ont pas voulu, parce qu'ils trouvaient que c'était trop compliqué. Donc quelque part, c'était un message d'excuse, mais qui m'invitait à aller voir le film. Bah oui. Alors, du coup, je suis rentré évidemment, en plus en compte, acte, j'ai échangé avec Ibsen, et m'a un petit peu expliqué ce qui était intéressant, un petit peu toutes les contraintes qu'il avait. On lui a demandé, effectivement, Ibsen, c'est un sacré physicien. Entre-temps, en 2017, il a eu le prix Nobel de physique pour les ondes gravitationnelles. Et précédemment, il avait déjà, il s'intéresse beaucoup à la fiction et à la science-fiction, il avait déjà été conseiller scientifique du film qui s'appelait Contact, qui je crois avait été réalisé par Zemeckis, mais d'après un best-seller de Carl Sagan, qui faisait déjà intervenir à cette époque des voyages dans le temps à travers des trous de verre. Donc voilà, c'était un excellent choix de conseiller scientifique, mais c'est comme ça que j'étais conduit à aller voir Interstellar. De toute façon, je m'intéresse très généralement à la science-fiction, surtout quand j'étais un peu plus jeune, mais donc je suis allé voir le film, et puis après, beaucoup de journalistes m'ont demandé de mon avis sur la partie scientifique du film. Il faut savoir, moi, quand je vais au cinéma, je suis cinéphile. Donc j'y vais pour voir un film de fiction. Et j'admets totalement que l'on puisse évidemment prendre des libertés avec la vérité scientifique du film, bien entendu. Mais comme on me demandait de faire tout un travail d'analyse de la véracité ou pas, des éléments scientifiques du film, je l'ai regardé attentivement et j'ai fini par écrire une série de billets, de c'est six ça, billets de disponible blog en ligne. Assez développés, effectivement, que l'on trouve sur mon blog, où finalement j'analyse ce qui est correct scientifiquement et puis après ce que les concession que Ibsen a dû faire aux besoins du scénario. C'est quand même un exercice extrêmement intéressant, parce que je répète, c'est une œuvre de fiction, avec la liberté d'invention évidemment, et la liberté de création. Et je pense que malgré quelques défauts scénaristiques du film que j'ai trouvé, surtout vers la fin, rien n'est parfait, j'ai trouvé quand même que c'était une belle accroche pour beaucoup de spectateurs, et surtout de jeunes spectateurs, pour les sensibiliser, à travers un film assez spectaculaire, c'était un blockbuster, pour les sensibiliser à des problématiques absolument passionnantes. C'est ça. Une résonance au-delà de le pur contexte scientifique, des résonances philosophiques et métaphysiques. Qu'est-ce que c'est l'espace? Qu'est-ce que c'est le temps? La causalité? Est-ce qu'on peut le remonter? Y a-t-il d'autres dimensions d'espace que les trois usuelles, et ça se trouve en filigrane dans le film. Et j'espère que vous aurez la réponse à ces questions. On va commencer à parler du film en donnant la parole à Kip Thorne, figurez-vous, on a sa voix, puisque vous venez de le citer. Le voici, je rappelle donc qu'il est physicien, prix Nobel après le film donc, et conseiller scientifique de Nolan, et vous avez dialogué avec lui au moment de la sortie du film. 10 years ago, il y a 10 ans, Linda Obst et moi avons conçu un film censé expliquer les idées d'Einstein au monde. Ce projet a conduit Christopher Nolan et Jonathan Nolan à écrire le scénario et à réaliser le film qui, entre leurs mains, est devenu Interstellar. Ils ont tellement changé notre histoire que ce n'est plus le nôtre. Le film appartient vraiment aux frères Nolan. Mais pendant le projet, ils ont travaillé en collaboration avec moi pour préserver la dimension scientifique que Linda et moi avions pensée pour le film, et pour réfléchir à la manière d'intégrer les nouvelles sciences afin que ce film, Interstellar, comporte une science riche, de la vraie science, plus que n'importe quel film hollywoodien jamais réalisé. Ils ont aussi ajouté au film un thème qui explique l'enjeu d'Interstellar. Cet enjeu est l'énorme pouvoir de la science et de la technologie pour sauver l'humanité du désastre. Wheat 7 years ago, okra this year. Now there's just corn. And we're growing more than we ever have. Well, with likely potatoes in Ireland and the wheat in the Dust Bowl. Le maïs va mourir bientôt. On trouvera un moyen, professeur. On a toujours trouvé. Animé par la croyance inébranlable que la terre nous appartient. Elle n'est pas qu'à nous, non. Mais on y est chez nous. Il y a dans l'atmosphère terrestre 80% d'azote que nous ne respirons même pas, contrairement à ce fléau. Et à mesure que celui-ci prospère, notre air reçoit de moins en moins d'oxygène. Les derniers terriens qui ne seront pas encore morts de faim ne manqueront pas de mourir étouffés. Et la génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Murphy est un peu fatiguée. Je me demandais si elle pouvait faire un petit somme dans mon bureau. Merci, ouais. Ok. Là, il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Le Le film pose une question cruciale, Jean-Pierre Luminet, qu'on a entendu à travers les mots de Kip Thorne dans l'extrait juste avant, et dans ce premier extrait du film, donc Interstellar, où le professeur John Brand expose à Joseph Cooper, le personnage principal, l'enjeu du départ dans l'espace. Il s'agit de rien de moins que de sauver l'humanité. La question c'est, la recherche scientifique et la recherche en astrophysique peut-elle sauver l'humanité? On voudrait le croire. N'est-ce pas? En tout cas, dans l'optique du film. Alors tout d'abord, évidemment, Kip Thorne a parfaitement raison de dire que c'est extrêmement rare et c'est même assez unique qu'on ait un film à grand budget hollywoodien qui fasse appel en filigrane aux dernières théories de la physique. Peu de temps auparavant, il y a eu un autre film dont on avait beaucoup parlé, qui était paru sur les écrans, qui s'appelait Gravity. Gravity, il y avait aussi des choses assez spectaculaires et des choses qui n'étaient pas évidentes sur le plan scientifique, mais c'était la science normale, c'était la physique classique de Galilée et de Newton qui remonte à 400 ans. Et finalement, on pouvait comprendre différents éléments particuliers du film. Là, pour Interstellar, effectivement, comme il l'a dit, ce sont vraiment les théories, pas forcément nouvelles, parce que la relativité générale et la physique quantique, elles ont 100 ans pour nous, les chercheurs, mais bon, pour le public, c'est relativement nouveau éventuellement. Et il y a un soupçon après, on aura peut-être l'occasion d'en parler à la fin du film, de théories nouvelles, qui elles sont vraiment nouvelles et encore en construction, celles justement dont je parle dans mon prochain livre, L'écume de l'espace-temps, notamment des variantes de la théorie des cordes qui sont utilisées pour une sorte de résoudre une forme d'énigme à la fin du film. Donc c'est tout à fait remarquable. Pour les besoin du film, l'astrophysique est censé sauver l'humanité tout simplement parce que, effectivement, comme vous l'avez dit au départ du film, la Terre est devenue absolument invivable, il faut chercher d'autres habitacles. Alors ça renvoie à une problématique intéressante de l'astrophysique d'aujourd'hui qui n'est pas développée dans le film, c'est l'existence de planètes habitables ailleurs dans l'univers. Elle n'est pas développée parce qu'elle est présupposée dans le film. Voilà, il y a des planètes habitables. Absolument, il y a... vous avez raison, c'est aussi l'enjeu du film. Il y a des planètes potentiellement habitables, il y en a des millions de milliards, qu'on appelle des exotiques. Terre, voilà. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. S'il y en a beaucoup, il y en a dans la galaxie. Elles sont loin, même en restant dans la galaxie. Mais dans le film, le propos, c'est que ces planètes potentiellement habitables sont carrément dans des galaxies lointaines. Alors, je rappelle pour l'auditeur que, dans une galaxie donnée, nous appartenons à la Voie lactée, les étoiles sont distantes de quelques dizaines ou quelques centaines d'années-lumière, et on peut imaginer, et on l'a fait, il y a d'ailleurs des observations relativement convaincantes là-dessus, qu'il puisse y avoir des planètes de type terrestre, des exotères situées dans la zone d'habitabilité de leur étoile, qui ne sont qu'à quelques dizaines d'années-lumière. Bien, c'est déjà quand même assez loin pour s'y rendre, mais bon, c'est quand même dans la galaxie. Maintenant, dans le film, ça fait l'hypothèse qu'il n'y en a pas visiblement d'exotères dans la galaxie, qu'il faut aller dans la galaxie plus lointaine. Je répète à l'auditeur, les galaxies les plus lointaines, elles sont à des millions ou des dizaines ou des centaines de millions d'années-lumière de nous. Comment y aller ? Mais surtout, comment on le sait ? On ne peut pas s'affranchir de la limite imposée par la vitesse de la lumière. Donc, on ne va pas mettre 100 millions d'années pour se rendre là-bas. Donc, il faut en utiliser quelques subtilités qui restent encore des hypothèses théoriques, mais qui sont là, quand même, en filigrane, dans la théorie de la relativité, quelques-uns de ces développements, c'est-à-dire l'existence de possibles raccourcis de l'espace-temps, qu'on appelle des trous de ver, et qui vont jouer un rôle absolument primordial dans le film, effectivement, pour arriver à quitter notre Terre et éventuellement aller chercher ces planètes potentiellement habitables, extraordinairement loin, mais qui sont évidemment des voyages sans retour. Ce que le docteur Brand au début se garde bien de dire. Ce qui est un enjeu scénaristique clé, en effet. Comment prouver l'existence d'autres galaxies que la nôtre ? D'autres galaxies ? Alors l'hypothèse avait été faite déjà au XVIIIe siècle, lorsqu'au télescope on avait commencé à voir des sortes d'objets qui n'étaient pas des étoiles, qui ressemblaient à des nuages flous, on appelait ça des nébuleuses, et on ne savait pas si c'était des nuages flous de notre galaxie, la Voie lactée, qui auquel cas aurait pu être unique dans l'univers, ou si c'était ce qu'on appelait des univers-îles, c'est-à-dire d'autres galaxies à part entière. Chaque galaxie, je rappelle, une galaxie, c'est un ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Notre Voie lactée contient environ 300 milliards d'étoiles, les autres galaxies, pareil. Voilà. Et donc, c'est en 1925, on va bientôt fêter le centenaire de ça, que des observations ont prouvé pour la première fois qu'il y a bel et bien des galaxies, autres que la Voie lactée, et il y en a une quantité phénoménale, puisqu'aujourd'hui, on estime que dans la partie de l'univers que l'on peut observer, qu'on appelle l'univers observable, c'est même pas l'univers réel, total, dont on ne sait toujours pas s'il est fini ou infini, bon, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais déjà dans la partie observable, on pense qu'il peut y avoir jusqu'à, tenez-vous bien, 1000 milliards de galaxies. qu'on peut observer. 1 000 milliards d'années. On n'en observe qu'une fraction. Donc ce sont des statistiques. On déduit le reste. On déduit à travers des observations de certaines régions du ciel où on a un grand nombre de galaxies. Par exemple, il y a des clichés extraordinaires qui sont pris par le télescope spatial Hubble qui représentent un champ de vue aussi petit que ce qui serait découpé sur le ciel par une tête d'épingle tendue à bout de bras. Vous imaginez? Et dans ce champ de vue infinitésimal, on observe 10 000 galaxies. Donc vous vous dites, ben je vais bouger ma tête d'épingle sur l'ensemble de la voûte céleste, et on arrive à ce chiffre extraordinaire de 1 000 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, vous avez des centaines de milliards d'étoiles, et autour de chaque étoile, vous avez des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en orbite. Donc ce qui fait qu'il dit, vous avez au moins 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de planètes dans l'ensemble de l'univers observable. Sur ce nombre faramineux, peut-être 1 sur 10 est de type terrestre, parce que les planètes, si c'est en gros une grosse planète gazeuse type Jupiter, c'est pas vraiment un habitacle, un socle, il n'y a pas de socle solide pour y poser quelque chose, voilà. Donc ce qu'on appelle les exotères, ce seraient des planètes de type terrestre, rocheuse, à surface solide, avec de l'eau éventuellement liquide ou glacé, si les conditions de température le permettent, qui serait bon dans des champs de gravité relativement raisonnables, et donc on pense qu'il y en a sans doute des milliards de milliards. Mais c'est pas parce qu'elles sont potentiellement habitables qu'elles sont habitées. Justement, c'est un grand enjeu. Et c'est l'enjeu d'Interstellar. Allons voir si les planètes potentiellement habitables le sont réellement. Oui. Alors, toute une stratégie est mise en œuvre par le professeur Brand qui est mis face à un dilemme. Au fond, faut-il sauver l'espèce humaine ou bien l'humanité déjà vivante sur la planète Terre? Peut-être faut-il sacrifier l'une au profit de l'autre? Oui. Ce qui est un dilemme moral incroyable, et on va y venir dans bien un sûr. Instant. D'abord, on va continuer avec vous à examiner le vocabulaire employé dans le film pour bien comprendre l'enjeu du film. Oui. Vous avez parlé du trou de verre. Oui, on n'a pas encore défini le trou de verre. Écoutons l'extrait, puis vous nous direz ensuite de quoi il s'agit. We started detecting gravitational anomalies almost 50 years ago. Mostly small distortions to our instruments in the upper atmosphere. But of all these anomalies, the most significant is this. Out near Saturn, a disturbance of space-time. Est-ce que c'est un trou de verre? Apparu il y a 48 ans. Et où est-ce qu'il mène? Dans une autre galaxie. Un trou de verre, ça n'a rien de spontané. Quelqu'un l'a placé là. Et quel qu'il soit, on dirait bien qu'il veille sur nous. Ce trou de verre nous permet de voguer vers d'autres étoiles. Il est arrivé pile quand on en avait besoin. Ils ont placé des mondes potentiellement habitables à notre portée. 12 mondes que nos premières sondes ont repérés. Vous avez envoyé des sondes là-dedans? On y a même envoyé des gens, il y a 10 ans. Les missions Lazare. 12 mondes possibles, 12 lancements de rangers transportant les êtres les plus courageux que la Terre ait jamais portés. Avec à leur tête l'exceptionnel Dr. Mann. Dans sa capsule, chaque explorateur avait un système de survie de 2 ans. Mais chacun pouvait prolonger cette période en hibernant et ainsi étudier les composés organiques 10 années, voire plus. Leur mission consistait à évaluer leur monde et s'il avait du potentiel, ils pouvaient nous envoyer un signal, se mettre au lit pour un long somme et attendre d'être secourus. Et si jamais leur monde n'était pas prometteur? Ça s'appelle le courage. Vous n'avez pas les moyens de vous rendre dans ces 12 mondes. Non. Les données renvoyées par le trou de verre sont rudimentaires. De simples pings binaires, une fois par an, nous donnent une petite idée du potentiel de tel ou tel monde. Et l'un des systèmes est prometteur. Ouais, hein, c'est sacrément aléatoire. Un système abritant 3 mondes potentiels? C'est loin d'être aléatoire. Donc lorsque le personnage Cooper, le père de Tom et de Murphy, est contacté pour aller explorer l'univers en quête d'autres galaxies, dans ces galaxies d'autres planètes habitables, eh bien on lui présente la mission, c'est ce que vous venez d'entendre. Donc 12 astronautes qui ont été envoyés chacun dans 12 mondes potentiels. Seuls 3 d'entre eux ont envoyé des signaux. Alors comment ont-ils accédé à ces mondes, à ces planètes qui elles-mêmes ne semblaient pas accessibles grâce à ce qui s'appelle un trou de verre? Comment comprendre ce que c'est qu'un trou de verre? On a l'impression ici que c'est comme une porte qu'on ouvre. Ce sont des portes des étoiles. Jean-Pierre Lumineux. D'ailleurs, de nombreuses séries comme Stargate de science-fiction ont effectivement bâti beaucoup de scénarios sur ça. Alors, avant de dire un mot sur le trou de verre, il faut parler d'abord du trou noir. Oui. Voilà. Alors, le trou noir, ce sont des configurations extraordinaires de matière et d'énergie. Alors, pour le comprendre, il faut évidemment faire appel à la théorie d'Einstein, la relativité générale. Si je le rappelle, c'est une théorie de la gravitation qui décrit les phénomènes de gravitation non plus comme le faisait Newton en termes d'une force d'attraction, mais ça décrit la gravitation comme une distorsion, une déformation extrême de l'espace, et plus précisément de l'espace-temps. justement, parce que le temps va être déformé également. C'est un petit peu, j'utilise souvent la métaphore visuelle dans mes conférences, d'un tissu élastique. Vous prenez un tissu élastique, par exemple un barésie, vous mettez des boules dessus, vous voyez des déformations, et vous allez dire, en fait, ce qu'on va appeler gravité, c'est pas une force qui attire, c'est simplement la déviation des trajets, parce que simplement aller en ligne droite dans un espace courbe et bizarre, eh bien, ça fait tourner autour, et voilà. Donc, on remplace la théorie de Newton par une théorie plus profonde, plus complexe, mais bien plus efficace, qui est donc la théorie d'Einstein. Après, à partir du moment où la distorsion de l'espace, la distorsion, c'est une sorte de puits. Vous créez une sorte de puits, un puits de gravitation. Voilà. Et ce puits de gravitation, il est d'autant plus profond que la densité, c'est-à-dire le correspondant à ce puits, est plus compact et plus dense. Voilà. Bon, alors c'est précisément ce qui se passe lors de la formation d'un trou noir. La formation d'un trou noir correspond, par exemple, à ce qu'on appelle l'effondrement, la contraction du cœur d'une étoile. Les étoiles en fin de vie n'ont plus assez d'énergie pour résister à leur propre gravité, et le cœur de ces étoiles s'effondre sous leur propre gravité. Il y a des lois de la physique qui disent que au-dessus d'une certaine masse critique, qui est d'environ 3 fois la masse du Soleil, aucune configuration matérielle ne peut résister à l'écrasement, et au lieu de former un objet compact solide, comme c'est le cas pour les étoiles de moindre masse, ça s'appelle des naines blanches, des étoiles à neutrons, si les auditeurs veulent le savoir, au-delà de 3 masses solaires, il n'y a pas d'alternative à cet effondrement extraordinaire qui donnerait un trou noir. Et le trou noir, ce n'est plus un objet qui a une surface solide, c'est réellement un puits de gravité qui n'a pas de surface matérielle, c'est une surface immatérielle, c'est une frontière de l'espace-temps qui nous donne non-retour. Vous franchissez la surface d'un trou noir, que l'on appelle d'ailleurs « horizon des événements », pour bien traduire que tous les événements qui se passent dans le trou noir sont cachés derrière l'horizon joué par la surface, c'est-à-dire un observateur extérieur qui ne pénètre pas dans le trou noir, il ne verra jamais ce qui se passe dedans, les événements, parce que c'est caché derrière un horizon. Voilà. Et donc, voilà cette formation de trou noir. Maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au fond du trou noir? Le puits de gravitation, est-ce qu'il est bouché ou pas? Dans les théories les plus simples de la relativité, le puits est bouché par ce qu'on appelle une singularité. C'est un nœud, une sorte de nœud de l'espace-temps où tout converge et tout est détruit. Donc, on va pas imaginer un passage. En revanche, dans d'autres solutions un peu plus subtiles, qui ont été calculées déjà dans les années 1960, je parle pas de science-fiction là, je parle vraiment de travaux théoriques très profonds, issus de la relativité générale, appliqués à la description de l'espace-temps formé lors de trous noirs, par des trous noirs. Les trous noirs en rotation, les trous noirs en rotation sont bien plus intéressants que les trous noirs qui ne tournent pas. Et dans la nature, tous les objets sont en rotation, dont les trous noirs doivent être en rotation. Eh bien, certaines solutions, en tout cas mathématiques, nous disent que le fond du puits n'est plus bouché. Mais au contraire, d'abord, il commence par se rétrécir, et puis à nouveau, il s'ouvre, il s'évase, et ça ressort ailleurs dans l'espace et le temps, dans une sorte d'inverse temporelle de trous noirs. On est déjà dans les inversions temporelles, qui vont fasciner Nolan, que l'on appelle des trous blancs, mais il vaut mieux l'appeler fontaine blanche. Voilà. Maintenant, le passage entre les deux, ça a été baptisé trou de ver. VER, par John Wheeler. Alors oui, effectivement, vous faites bien de le préciser, parce que, alors le nombre de courriers électroniques que je reçois, de gens qui m'interrogent sur les trous de ver, écrivant VERE, enfin, VERE, pensant que c'est un trou de ver, en vert, oui. Voilà. Alors pourquoi ce terme étrange? Donc, c'est John Wheeler, qui lui-même avait donné le nom de trou noir black hole, il a aussi appelé ça wormhole, parce qu'en fait, la pomme, c'est le symbole de la gravitation depuis Newton, et donc John Wheeler, dans un de ses livres, une sorte de bible de la relativité. Ah, le ver est dans la pomme. Il y a le ver sur la pomme. Il est d'un côté de la pomme, il veut aller de l'autre côté. Donc il a 2 solutions. Soit il fait le tour de la pomme, soit il passe à travers, il emprunte un raccourci. Donc c'est pour ça qu'il a appelé les trous de ver. Alors parce qu'effectivement, lorsque ces solutions mathématiques, en tout cas, ont été découvertes dans les années 60, on s'est aperçu que si ça existait, et si on pouvait éventuellement les emprunter, les traverser, on aurait enfin trouvé des raccourcis pour voyager dans l'espace et le temps, en s'affranchissant finalement de cette abominable contrainte qu'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, pour nous, à l'échelle terrestre, c'est quasiment de l'instantané, on est content, c'est Internet, on téléphone à le bout de la planète, etc. À l'échelle de l'univers, c'est un escargot, la lumière, c'est-à-dire qu'elle met du temps pour aller d'un lieu à un autre, et notamment d'une galaxie à une autre, elle va mettre des millions d'années. Et donc, évidemment, c'est un frein absolu au déplacement et au voyage dans l'espace. Donc il faut trouver autre chose, ou alors on restera à jamais cantonné dans notre petit système solaire sans pouvoir en sortir, ce qui est quand même un peu frustrant quand on voit un télescope d'univers gigantesque. On s'est dit, on pourra jamais y aller, c'est un peu dommage. Voilà. Donc il y a quelques possibilités théoriques. Pour l'instant, c'est celle des trous de ver qui est le plus, voilà, qui est le plus étudiée, à la fois par les scientifiques, et puis évidemment, ça a été repris par toute la science-fiction, hein, déjà à partir de... Déjà le film de Kubrick, 68, 2001, Odyssée de l'espace, le terme n'est pas mentionné dans le film, parce qu'il n'avait pas encore été donné par John Wheeler, mais les premiers articles étaient parus. Et le scénariste du film de l'époque, qui est le célèbre écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke, avait déjà capté cette... possibilité d'avoir des raccourcis spatio-temporels, et si on se souvient du film, il y avait quelque chose, une anomalie spatio-temporelle au niveau de l'orbite de Saturne qui permettait aux héros du film de connaître effectivement des voyages dans le passé et dans le futur. Donc pareil avec Interstellar. Oui. Voilà. Alors justement, si on revient au film, il y a quelque chose qui paraît complètement contre-intuitif dans ce que vous êtes en train de dire. Non pas que le trou noir se devrait d'être intuitif d'ailleurs, puisque par définition on ne peut pas en faire l'expérience. J'entends tout ce que vous dites sur le trou noir, le trou de ver comme le passage possible, cette masse de gravitation qui se forme suite à l'explosion d'une étoile. Je le comprends en termes d'espace, je le comprends pas en termes de temps. Pourquoi est-ce que vous parlez d'espace-temps? Quel est le rapport là, ici, entre l'espace et le temps? Est-ce que c'est deux faces d'une seule et même chose? Parce que dans la théorie d'Einstein, l'espace et le temps sont intimement liés. Et quand on dit que la matière et l'énergie déforment l'espace, c'est incomplet, ça déforme l'espace-temps. Et donc il y a une partie, une composante temporelle qui est également distordue par la présence de grandes concentrations de matière. Ça veut dire que non seulement l'espace est élastique, alors c'est vrai, on fait des démonstrations avec un tissu élastique en barésie, on voit bien la déformation de l'espace, mais on voit pas du tout la déformation et la distorsion temporelle. Et celle-ci, elle est absolument phénoménale. D'ailleurs, il y a une scène du film ultérieur, on en reviendra peut-être, où il y a une énorme distorsion temporelle, parce qu'il va plonger dans un champ de gravité extrêmement important. On n'a pas besoin de plonger d'ailleurs dans un trou noir, il suffit d'être dans un champ de gravité déjà très important pour commencer à mesurer ces effets d'élasticité du temps. Je vous accorde que c'est pas du tout intuitif, mais c'est quelque chose qui est archi-vérifié, non pas évidemment avec des trous noirs, mais déjà, cette élasticité de temps se traduit pas seulement par les champs de gravité, mais les champs de gravité sont équivalents à des accélérations. Donc il suffit en fait d'accélérer un mouvement et de tendre vers la vitesse de la lumière pour commencer à mesurer ces distorsions temporelles extraordinaires, et ce qui est fait tous les jours dans les grands accélérateurs de particules, où on accélère des particules élémentaires à des vitesses proches de la lumière. C'est certaines, beaucoup de ces particules ont des temps de vie propres courts parce qu'elles sont instables, mais leur temps de vie en vol est complètement différent parce qu'elles voyagent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Alors, je vais peut-être un peu longtemps parler des trous noirs et des trous de ver, mais je dois quand même rajouter quelque chose, si vous le permettez, pour le film. C'est que les trous de ver associés aux trous noirs, ils sont quasiment impraticables. Parce que le trou noir engendre des champs de gravité et à l'approche des trous noirs, ce qu'on appelle des forces de marée gravitationnelles, et qui ont tendance à déchiqueter tous les objets, premièrement. Deuxièmement, dans le film, la porte des étoiles, qui est dans le système solaire du côté de Saturne, et qui a permis aux 12 astronautes, plus maintenant le nouveau héros Cooper, de faire ce voyage-là, c'est pas un trou noir géant. On peut imaginer, si vous voulez, des trous noirs géants. Pensons, on sait qu'il y a des trous noirs gigantesques de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, mais eux, ils se trouvent pas au niveau de Saturne, ils se trouvent au centre des galaxies. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un trou de ver qui a quelquefois la masse du Soleil. Donc, ça peut pas être un trou noir astrophysique formé par une étoile qui s'est effondrée. D'accord. Donc, le trou noir d'Interstellar qui est au niveau de l'orbite terrestre, il est artificiel. Il a été créé artificiellement. Et il a fallu des années pour que des théoriciens imaginent des types de trous de ver qui ne sont pas créés par des trous noirs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à des horizons des événements. On appelle ça des trous noirs lorentziens, enfin peu importe le terme. Et donc, c'est ce qui est supposé dans le film. Et ça, c'est vraisemblable. Et on découvre, on peut imaginer. C'est une possibilité théorique, en tout cas. Un trou noir dans lequel film, on entrerait. Donc le film imagine effectivement que c'est il. On ne sait pas si ce sont des extraterrestres, puis on apprendra plus tard que c'est l'humanité du futur qui a créé artificiellement ce trou de ver. Vous en êtes persuadé? Permet de sauver. Comment? Vous en êtes persuadé ou c'est dans le film? Non, ça c'est dans le film. Ça. Ouais. Parce que c'est aussi le scénario du dernier film de Nolan. Mais bon, oui. Mais c'est toute la question, et justement oui. C'est le sens de l'extrait qu'on va entendre. C'est pour ça que je posais la question du temps, de savoir dans quelle mesure l'hypothèse qui est faite de cette élasticité du temps et de la possibilité pour lui de se retourner sur lui-même est quelque chose de plausible. En clair, est-ce qu'on peut faire des plongeons temporels sans dégâts? I figured out the message. One word. You know what it is? Stay. It says stay, Dad. You don't believe me. Look at the books. Look at this. It says stay. Why? You're not listening. It says stay. Non, je reviendrai. Michael. Une pour toi. Une pour moi. Quand je serai en hyper-sommeil là-haut. Ou quand j'irai à la vitesse de la lumière. Ou près d'un trou noir. Le temps va changer pour moi. Il va s'écouler plus lentement. Quand je reviendrai. On comparera. Le temps passera pas pareil pour nous deux. C'est ça. Tu vois, d'ici à ce que je rentre, peut-être qu'on aura le même âge. Toi et moi. Ouais, imagine un peu ça. Oh, merveille. Tu sais pas du tout quand tu reviendras. T'as aucune idée! Murphy. Murphy, ne m'oblige pas à partir comme ça. Voyons, s'il te plaît, Murphy. Murphy, ne m'oblige pas à partir comme ça. La dimension sentimentale du film, c'est ce qui a pu plaire à certains et déplaire à d'autres, oui. Justement. Là, on a Murphy, la fille de Cooper, qui, lorsqu'elle comprend que son père va partir et que sans doute il reviendra, mais trop tard, c'est-à-dire qu'elle sera déjà morte, est absolument dévastée, évidemment, on la comprend. Alors, cette distorsion temporelle, dans quelle mesure est-ce qu'elle est scientifiquement valide, Jean-Pierre Lumineux? Bon, il est certain que la scène qu'on vient d'écouter, c'est une des scènes puissamment émotionnelles du film. Et en quelque sorte, on disait que le propos du film, le propos principal, c'était comment la science et la technologie pouvaient sauver l'humanité. En fait, je pense que le véritable propos, c'est que c'est l'amour qui va sauver l'humanité, parce que c'est ce qui se passe à la fin, c'est l'amour extraordinaire entre le père et la fille, qui va finir effectivement grâce à la science et la technologie qui va permettre de sauver l'humanité. Bon, revenons-en à ces distorsions temporelles. Il faut distinguer deux choses. Les distorsions temporelles dues à la traversée de trous de verre et celles dont on va parler maintenant, qui sont dues à la proximité de trous noirs. Distorsion temporelle en traversant un trou de verre, le film est totalement irréaliste sur cette question-là. Le trou de verre conduit on ne sait pas où, ailleurs dans l'espace-temps, ailleurs dans l'espace et ailleurs dans le temps. On n'a aucune idée de là où ça peut déboucher, en admettant même qu'ils existent, qu'on puisse les traverser. On pourrait même déboucher dans son propre passé. Voilà. Bien, donc il y a une quantité de travaux qui sont faits là-dessus. Je consacre un chapitre entier dans mon ouvrage à paraître sur cette question-là. Ça, c'est possible de voyager dans son propre passé? Disons que c'est plausible. Ça soulève de grands problèmes, parce que ça viole la sacro-sainte loi de causalité, selon laquelle, la cause doit précéder les faits. Et si vous remontez le temps, vous pouvez modifier votre propre futur et aboutir à tous les fameux paradoxes temporels, paradoxe du grand-père, enfin, tout un ensemble de choses. Voilà. Mais, après tout, ce n'est pas parce que c'est paradoxal que ça doit être radicalement éliminé des théories de la physique. Bon. Mais venons-en maintenant aux distorsions temporelles, mais qui ne sont pas des voyages dans le passé. Donc on oublie la distorsion temporelle à travers les trous de verre, c'est totalement irréaliste dans le film. Maintenant, lorsqu'il parvient dans cette autre galaxie et dans le système planétaire qu'ils veulent étudier, il se trouve que ces trois planètes, elles sont très proches d'un trou noir gigantesque qu'ils appellent Gargantua, un trou noir supermassif, 100 millions de fois la masse du Soleil, entouré d'un disque d'accrétion. C'est là dont l'image est représentée, c'est pour ça que Gibson m'avait écrit ce mail d'excuse pour dire que l'image du film n'avait pas tenu compte de tous les effets que j'avais calculés 40 ans avant, mais bon, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est que l'une des planètes sur laquelle doit aller Cooper, qui s'appelle la planète Miller, gravite extrêmement près de l'horizon du trou noir. Pour qu'elle ne soit pas avalée, d'ailleurs, il faut que le trou noir soit géant et supermassif. Si c'était un trou noir de petite masse, la planète serait immédiatement absorbée. En revanche, pour un trou noir supermassif et qui tourne extrêmement rapidement sur lui-même, ce qu'on appelle excusez-moi du terme un peu technique, la dernière orbite circulaire stable. Bon, comme son nom l'indique, c'est la dernière orbite d'un corps qui tourne en cercle autour d'un trou noir et qui est stable avant d'être avalé. Eh bien, pour un trou noir massif en rotation très rapide, c'est tout près de la surface du trou noir. Tandis que pour un petit trou noir ordinaire, c'est très très loin. Ah, voilà, bon, bref. Ce qui permet à cette planète Miller d'être, sans être avalée par le trou noir, d'être dans un champ de gravité extrêmement important. Et là, on revient sur la relativité générale. Dans un champ de gravité important, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Et donc, en fait, Cooper, qui va aller sur cette planète-là, va y rester le moins longtemps possible, parce qu'il va y avoir un facteur de distorsion temporelle énorme, c'est-à-dire que pour lui, une heure de son temps à lui va correspondre, si je me souviens bien, à 7 ans ou 20 ans, je ne sais plus très bien, qui vont se dérouler ailleurs, et donc en particulier sur Terre et sa fille. C'est pour ça qu'il sait qu'au moment où il va entreprendre cette plongée, non pas encore dans le trou noir, mais juste parce qu'il va ressortir à un moment, et puis après il va finir par y plonger, il sait que lorsqu'il aura fait son petit tour, qui pour lui aura duré 2-3 heures, sa fille, elle aura 20 ans, 30 ans, 40 ans, éventuellement morte. Et ça, c'est exact, c'est-à-dire que Gibson a tiré les équations au maximum pour avoir ce facteur de dilatation temporelle énorme. C'est un facteur de 60 000, un facteur de distorsion énorme, 60 000, entre le temps vécu par Cooper et le temps sur Terre. Pour arriver à un facteur aussi important, bah, il faut effectivement un trou noir proche de la vitesse de rotation maximale, c'est-à-dire qu'il tourne presque à la vitesse de la lumière. Et donc Gibson a trafiqué les équations pour arriver à rendre ça plausible. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle le temps est quelque chose qui peut faire l'objet de distorsions. On a le temps compressé, le temps étiré, Oui, le temps, en relativité, le temps est élastique. Donc en fait, il y a deux temps. Le vrai temps, c'est pas le temps propre. C'est le temps que l'on embarque avec soi, dans son mouvement. On a son horloge ou ses battements de cœur, c'est pareil, c'est une horloge biologique, c'est la même chose qu'une horloge atomique. Et donc, on peut faire un voyage à n'importe quelle vitesse, y compris un voyage tendant vers la vitesse de la lumière. Pour nous, on ressent un temps propre tout à fait normal. En revanche, maintenant, ce qu'on va appeler le temps apparent, c'est-à-dire que le temps qui va être mesuré par quelqu'un qui, lui, n'est pas en mouvement, mais qui va observer, mesurer, regarder les tic-tac de l'horloge de celui qui est en mouvement, parce que celui qui est en mouvement, par exemple, peut envoyer vers l'extérieur des signaux radio, des sortes de tic-tac. Hein. Et bien, ces tic-tac, les temps de réception deviennent radicalement différents que les temps d'émission. Donc, temps propre, temps apparent, radicalement différent. Donc, finalement, un astronaute qui plongerait dans un trou noir, il pourrait plonger et atteindre l'horizon des événements en un temps propre de quelques secondes ou quelques minutes. Enfin, ça dépend de la taille du trou noir. Tout observateur qui est à l'extérieur, le temps va être tellement déformé qu'il ne verra jamais l'astronaute franchir le trou noir. Il va y avoir une sorte de ce qu'on appelle un gel temporel, mais c'est un gel du temps apparent, ce n'est pas le vrai temps. C'est un peu compliqué, hein, je vois votre visage. C'est pas que c'est compliqué, c'est que tout ce que vous dites va exactement dans le sens de ce que tous les philosophes écrivent depuis le début de l'histoire de la philosophie, à savoir l'impossibilité de définir le temps. Qu'est-ce donc le temps? Qui en saurait donner facilement une brève explication? Qui pourrait le saisir, ne serait-ce qu'en pensée, pour en dire un mot? Et pourtant, quelle évocation plus familière et plus classique dans la conversation que celle du temps? Nous le comprenons bien quand nous en parlons, nous le comprenons aussi en entendant autrui en parler. Qu'est-ce donc le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Toutefois, j'affirme avec force ceci. Si rien ne passait, il n'y aurait pas de passé. Si rien n'advenait, il n'y aurait pas de futur. Si rien n'était, il n'y aurait pas de présent. Mais ces deux temps, le passé et le futur, comment peut-on dire qu'ils sont, puisque le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore? Quant au présent, s'il restait toujours présent sans se transformer en passé, il cesserait d'être temps pour être éternité. Si donc le présent, pour être temps, doit se transformer en passé, comment pouvons-nous dire qu'il est, puisque son unique raison d'être, c'est de ne plus être? Si bien que, en fait, nous ne pouvons parler de l'être du temps que parce qu'il s'achemine vers le non-être. Vous connaissiez ce texte de Saint-Augustin, oh, Jean-Pierre oui, Minet. C'est le fameux passage des confessions de Saint-Augustin. Le temps nous échappe et surtout on ne peut pas le définir. Oui, oui. Dès qu'on dit ce oui. que c'est que le présent, c'est plus le présent puisque c'est déjà le passé au moment où je prononce le terme. Oui. Mais voilà, donc le temps. Alors paradoxalement, le temps c'est l'une des plus grandes problématiques à la fois scientifique, mais également, y compris évidemment philosophique et métaphysique. Et Saint-Augustin, effectivement, a une vision déjà extrêmement profonde de ce temps qui fuit en permanence. Le temps, par rapport à l'espace, alors, le temps a priori, on pourrait penser, en tout cas sur le plan purement, disons, physico-mathématique, le temps, ça n'a qu'une dimension. Donc on va se dire, mais alors c'est moins compliqué que l'espace, qui en a au moins trois. Effectivement, on peut créer, on peut inventer des formes d'espace extrêmement compliquées, ce qu'on appelle des topologies. J'ai beaucoup travaillé sur ça, les univers chiffonnés, etc. On se dit finalement, la topologie du temps, c'est pas trop compliqué. Il y a une dimension, c'est une ligne. Donc, soit la ligne, elle est infinie, ou soit c'est une boucle. Donc, soit c'est le temps linéaire, ou soit c'est le temps cyclique. Donc, on retrouve dans beaucoup de cultures, hein, les deux conceptions, ces deux conceptions du temps. Donc, a priori, ça pourrait paraître simple, et en fait, c'est invraisemblablement compliqué. Parce que, également, le temps est une variable, ce qu'on appelle ça, directrice. C'est-à-dire, ça va toujours dans le même sens, sauf si on viole la causalité, bien entendu. Voilà, on va toujours du passé vers le futur en passant par le présent. Mais c'est un présent qui est fugitif. Donc vous avez un truc sans épaisseur qui est l'instant présent. Et cet instant présent, comme un curseur, file en permanence sur une ligne, dont on ne sait pas si elle est infinie ou si elle fait se boucler sur elle-même, et en séparant ce qui a été passé et puis qui va devenir du futur. Donc le présent est sans épaisseur. Mais sur le plan de certaines considérations philosophiques que l'on retrouve notamment dans Saint-Augustin et chez d'autres philosophes, peut-être que cette épaisseur infinitésimale du présent contient potentiellement tout le passé et tout le futur. Comme le trou noir temporel. Oui. Dans une sorte d'étau infiniment petit dans lequel tout se comprime. Vous arrivez, vous, à définir le temps ? Ce sont des problématiques absolument fascinantes et que la physique bien plus évoluée, évidemment, que du temps de Saint-Augustin, une physique très primitive, n'a toujours pas, voilà, à laquelle n'a toujours pas répondu. Il y a eu une période où on a pensé arriver à définir le temps, c'est Newton. Newton, dans ses Principia, il définit l'espace et définit le temps, ce sont des entités mathématiques absolues, etc. Donc, on a une variable temps dans les équations de la mécanique, de la dynamique, claire, le petit t, la lettre petit t, on l'a fait évoluer, on décrit les équations du mouvement dérivées par rapport au temps, et ainsi de suite. On résout les équations du mouvement, super, après on se dit la physique est déterministe, parce que ça veut dire que on mesure à un moment dans le passé les conditions initiales du système, on fait bouger le temps, on le fait avancer, ça évolue, on calcule le futur, c'est formidable. Ça a commencé à être un petit peu bousculé au début du XXe siècle, avec d'abord la relative générale qui commence à mélanger l'espace et le temps, puis à dire que tout ça c'est élastique, et avec la mécanique quantique, encore pire, le cadre spatial et temporel pose encore davantage de questions. Et donc finalement, ça pose tellement de questions que certains physiciens, et ça c'est les nouvelles approches de gravitation quantique, ils essaient carrément d'éliminer le temps des équations, de dire que finalement, le temps, c'est pas un paramètre fondamental pour nous, êtres humains, pour la biologie. Et pour la thermodynamique, avec l'entropie, la dégradation, le temps, on est embringué dans le temps, on est embarqué, on n'échappe pas au temps. Pour le physicien théoricien, il est peut-être que, voilà, c'est une vision polarisée, particulière de la réalité, mais la vraie réalité, c'est du pur espace, et le temps, c'est une forme d'illusion. Ne serait-ce que, par exemple, pour le physicien théoricien, lui, il cherche des lois invariantes, des lois invariables de l'univers. Et le temps, par construction, c'est quelque chose qui change. Donc le temps, il est gênant. Donc on voudrait bien l'éliminer, d'une certaine manière. Dire que ce n'est pas finalement un truc vraiment fondamental. On dirait peut-être c'est une variable qu'on appelle émergente. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est plutôt l'espace, l'énergie du vide quantique, enfin ce genre de choses compliquées, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et le temps apparaîtrait à un certain niveau d'organisation comme quelque chose en plus dans lequel nous sommes embarqués. Mais la vraie texture ultime de l'univers ne contiendrait pas le temps. C'est une des possibilités, dans certaines théories. Ce qui pourrait rassurer théories, ceux qui ont peur de la mort théories, et ceux qui ont peur de vieillir. C'est-à-dire que ce serait secondaire, qu'en fait l'essentiel n'est pas dans le temps, justement. Bah, ce serait une bonne philosophie, finalement, d'oublier qu'on est embarqué dans le temps. Ah, à voir, il y a deux écoles, justement. Oui, est-ce qu'il vaut mieux l'oublier ou est-ce qu'il vaut mieux l'assumer? En tout cas, dans le film Interstellar, il y a une option qui est envisagée, c'est celle d'une sorte de cinquième dimension dans laquelle le personnage va rester bloqué. Est-ce que là, on est en plein délire? Non. À nouveau, Gibson a utilisé une possibilité, certes très spéculative, issue de l'une des approches possibles d'unification des interactions fondamentales, c'est la fameuse théorie de gravitation quantique sur laquelle nous travaillons et beaucoup de peine aujourd'hui, qui s'appelle la théorie des cordes. En théorie des cordes, le nom vient de ce qu'on considère en fait que les éléments infinitésimaux de la réalité matérielle, c'est-à-dire les particules élémentaires, ne sont pas des petites billes avec des paramètres, mais ce sont des bouts d'espace qui vibrent à la manière de cordes. Ce sont des modes vibratoires qui définissent la nature d'une particule qui vibre d'une certaine manière ou d'une autre. Mais pour que ce schéma marche, parce que c'est assez joli, ça renvoie aussi à toutes les musiques, à Pythagore, si vous voulez, pour que ce schéma marche, ça ne marche pas à trois dimensions d'espace plus une dimension de temps. Il faut au moins neuf dimensions d'espace. C'est-à-dire six de plus que dans la théorie classique de la relativité générale. Voilà. Alors, on a énormément écrit, glosé sur la théorie des cordes. On continue à avoir des centaines de chercheurs qui travaillent dessus. Ça n'a peut-être pas apporté toutes les promesses qu'il y avait lorsqu'elle a été commencée à être construite dans les années 70. 40 ans plus tard, ça pédale un petit peu, donc il y a d'autres approches. Mais en tout cas, il y a tellement de variantes de la théorie des cordes que l'une d'entre elles s'appelle le modèle de Randall-Sundrum, du nom de deux physiciens théoriciens canadiens qui ont proposé il y a une vingtaine d'années, deux modèles d'univers à cinq dimensions. C'est-à-dire, il y a les quatre dimensions habituelles de l'espace-temps traditionnel, plus une dimension spatiale supplémentaire. Une dimension qui, contrairement à beaucoup de variantes de la théorie des cordes, n'est pas infiniment petite, mais grande, de grande dimension. Donc, on pourrait éventuellement y rentrer dans cette dimension, ce qui a été supposé, effectivement, dans le film. Cooper, en rentrant dans le trou noir, pénètre dans cette cinquième dimension. Mais dans ce modèle particulier de la théorie des cordes, dans cette dimension ne se propage que la gravité, c'est-à-dire les interactions habituelles, l'électromagnétisme, la lumière, les particules n'existent pas. Il n'y a que la gravité. C'est pour ça que lorsque Cooper se retrouve dans cette cinquième dimension, on peut se demander comment il subsiste, évidemment, comment il survit, hein, parce que lui-même est un être fait de particules élémentaires et d'électromagnétisme. Enfin bon, admettons qu'il soit dans cette cinquième dimension, qui forme d'ailleurs une belle structure géométrique qu'on appelle un tesseract. Bon, enfin, ça c'est une autre affaire. La seule manière qu'il a de communiquer avec sa fille, c'est de la gravitation. C'est par les ondes gravitationnelles. Et les fameuses donc ondes gravitationnelles. Et c'est comme ça qu'il va arriver à donner les informations qu'il était allé pêcher près de la soi-disant singularité du trou noir où il y aurait effectivement la révélation sur le secret de l'univers. C'est un petit peu bidon, évidemment. Voilà. Et il donne cette information à sa fille qui après va pouvoir trouver effectivement l'équation ultime, la fameuse équation de la théorie de tout qui va résoudre le problème de l'humanité. Là, je vois mal comment une théorie d'unification des interactions peut sauver la planète des problèmes écologiques. Enfin, ça, en tout cas, ça fait partie du film. Donc, en tout cas, scientifiquement, les choses tiennent. Là où ça ne tient plus, c'est quand on part du principe que l'homme peut voyager dans le temps, peut communiquer avec sa fille des années après. Au fond, c'est ça, c'est qu'on oublie, le film oublie la réalité physique du corps lui-même. Oui, oui, bien c'est sûr. Ça, oui. Ce qui manque. Oui, oui. Entre autres, oui. Et le fait que, même si évidemment, on ne sait toujours pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. À l'extérieur, maintenant, c'est assez clair, puisqu'on a des observations, on a aujourd'hui même des images télescopiques, depuis l'année dernière, de trous noirs. Ils sont entourés de disques d'accrétion, à ce qui ressemble relativement à ce qui est montré dans le film. Mais évidemment, à l'intérieur, on ne le sait pas. C'est-à-dire, on peut toujours extrapoler les équations de la théorie d'Einstein, mais on sait qu'à un certain moment, elles sont plus valables, qu'il faut faire intervenir la physique quantique. On sait qu'au centre, il y a ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un nœud d'espace-temps où tout est brisé, tout devient fini. En général, les théories de nouvelles théories sur lesquelles on travaille essaient justement d'éliminer un petit peu cette absurdité que représenterait la singularité. Donc dans le film, ils imaginent qu'en fait, le secret de l'univers, il est tout près de la singularité. Donc il y a le petit robot qui accompagne Cooper, qui est allé chercher ce secret, la singularité. Il le donne à Cooper, pour une sorte, je sais pas quoi, de communication télépathique gravitationnelle, et Cooper peut transmettre ce secret-là à sa fille à travers le mur de la bibliothèque, qui est une sorte de paroi de ce tesseract, c'est-à-dire cet espace avec une dimension de plus, pour lui transmettre les informations dont elle a besoin pour arriver à résoudre cette fameuse équation que le docteur Brand du début n'avait jamais réussi à résoudre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un apport pour la science ou pour la communauté scientifique, un apport quel qu'il soit, de ce qui est fait au cinéma en termes scientifiques? Vous avez travaillé notamment sur la notion d'esthétique aussi. Est-ce que ce qu'on peut montrer à l'écran de ce qui existe en termes de recherche scientifique présente un intérêt autre que du divertissement? Non, je continue à penser, bon, je répète, je suis cinéphile, donc je suis très attaché au cinéma. Je continue à penser que c'est essentiellement du divertissement, mais après, il y a du divertissement intelligent ou moins intelligent. Voilà. Donc, là, c'est une forme de divertissement qui est suffisamment intelligent, même si après, il y a beaucoup, effectivement, comme on vient de le dire, beaucoup d'exagération, mais avec une liberté d'invention. Qui fait que, comme je l'ai dit au début, l'une des vertus finalement de ce film, c'est de faire réfléchir le spectateur à des choses peut-être auxquelles il n'avait jamais pensé. Justement, ces subtilités sur l'espace, le temps, et puis des véritables réalités. Parce que, comme je répète, dans le film, il y a des choses dont tout est fondé sur une physique assez compliquée. La relativité générale, la physique quantique et un soupçon de théorie des cordes. Sur le plan des environnements des trous noirs, c'est bien fait. Sur le plan de la distorsion temporelle résultant de la plongée dans un champ de gravité et dont on finit par ressortir, c'est aussi tout à fait correct. Donc déjà, ça peut mettre la puce à l'oreille hein, de jeunes spectateurs, qui se dit mais oh, finalement, la physique, elle est beaucoup plus intéressante que ce que j'apprends à l'école. Là, c'est pas juste un petit pendule, une bille que je fais rouler sur une pente, c'est quelque chose de très subtil. Donc je pense que voilà, si on cherche une utilité autre que le divertissement de ce genre de film, effectivement, ça peut éveiller l'intérêt et la curiosité de jeunes téléspectateurs pour se mettre à leur tour à étudier les mystères extraordinaires de l'espace et du temps que nous n'avons toujours pas résolus et je ne sais pas si on le résoudra un jour. Et ça met à l'épreuve aussi ce que la science peut nous apporter. Est-ce qu'on peut attendre d'elle ? Je vous posais en première question, finalement, est-ce que le film ne soulève pas la question de savoir est-ce que la science pourra nous sauver ? Au fond, il y a c'est la fin du film aussi, cette idée d'une équation suprême, une équation du tout qui permettrait de tout résoudre. Là, on voit bien à quel point la science peut être investie d'une demande. Oui. Sauvez-nous, c'est comme si ce que nous adressions comme demande à la science, ce qui peut nuire en fait à l'approche scientifique. Mais la jolie pirouette, la pirouette du film que l'on peut trouver un peu naïve effectivement, c'est qu'en fait ce qui va sauver, c'est grâce à cet amour extraordinaire entre le père et la fille, qui vous remarquerez, enfin si vous souvenez du film, n'est pas entre le père et le fils, parce qu'il a aussi un fils, hein, et il est quand même dans le film, on le voit de temps en temps, mais il joue pas un rôle. Et donc c'est uniquement cette relation très particulière et très privilégiée entre le père et la fille qui permet finalement cette transmission d'informations et qui pourra sauver après voilà, c'est l'humanité lorsque la fille aura trouvé cette équation qui permettra de résoudre tout un ensemble de questions. Donc finalement c'est pas la science et la technologie. La technologie n'est qu'un outil, enfin n'est que le support, mais ce qui va sauver le monde, c'est l'amour. Bon, c'est le message, c'est un message que... Bon, entre un père et une fille. Un peu évident, mais après, bon, toute la façon dont le traite, tout est dans la façon dont on le traite au cinéma ou dans l'art en général. Vous êtes d'accord avec ça ? Que c'est l'amour entre un père et une fille ? La plus importante ? Bien sûr que je suis d'accord avec ça. Voilà. Après, ça dépend de la façon dont on le montre et dont on en parle et surtout dont on le pratique. Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet d'être venu nous parler d'Interstellar ce matin. Et donc, je rappelle que votre prochain livre s'appelle « L'écume de l'espace-temps ». Il sera disponible dans quelques semaines aux éditions Odile Jacob. Ladies and gentlemen, this is your flight captain McKay. We are going on a space flight to Venus and Mars. So tighten your seatbelt and extinguish all cigarettes. Thank you. Space flight to Venus and Mars. How is it we got to touch the stars and off from a London town to Venus and Mars. We will make him full of stars. Traveling way out in outer space. Someplace I gotta find a new base. We ain't got no time to waste a day. Going out of space like they say. Coming down with me no matter what they say. I'm gonna be your captain, my kid, I would tell you, baby. Extraordinary space flight, I would tell you. Got to hold on tight, I would tell you, baby girl. Right now you're out of this world. Taking you through outer space. You gotta keep the smiles in your face. Space Flight de Lee Perry and Friends sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique.